Nyanga. Le duo Chancela et François est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sanganiro, à sous-journal de ce jeudi 2 février 2023, dont voici d'abord le sommaire. Ils réclament la régularisation de leur pension de retraite équivalent au dernier salaire, comme l'a déclaré le chef de l'État Evariste Ndayishimiye. Ce sont des personnes à retraite vivant en commune urbaine de Mukasa. Elles se sont exprimées au cours d'une réunion ce mercredi avec les ministres, celui de la fonction publique, celui de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. L'enregistrement des nouveaux groupements financiers communautaires à la Banque de la République du Burundi a été suspendu sur mesure du directeur de la supervision et de la stabilité financière à la Banque centrale, vous l'entendrez. Et dans les nouvelles de province, les démobilisés d'Ngozi réunis en coopérative demandent au ministère en charge des anciens combattants de leur fournir un moulin pour, par commune afin de valoriser leur récolte de riz et de maïs. Bienvenue à cette édition. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page économie, suspension provisoire de l'enregistrement des nouveaux groupements financiers communautaires à la Banque de la République du Burundi. Dans un communiqué de cette banque lu par Prosper Ngendanganya, directeur de la supervision et de la stabilité financière, les groupements financiers communautaires en activité sont appelés à exercer uniquement les activités qui leur sont autorisées par la réglementation en vigueur, notamment la collecte des cotisations de leurs membres suivants. Subsidiairement au communiqué au public du 15 juillet 2022 relatif au groupement financier communautaire et suite au non-respect des dispositions du règlement numéro 001/2018 relatif aux activités de microfinance, en rapport avec les activités autorisées à ces derniers, la Banque de la République du Burundi porte à la connaissance du public en général et au groupement financier communautaire, en particulier ce qui suit. L'enregistrement de nouveaux groupements financiers communautaires par la Banque centrale est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les dossiers déjà introduits à ce jour, le jour de la signature du communiqué, pour enregistrement seront finalisés. Les groupements financiers communautaires en activité doivent exercer strictement les activités qui leur sont autorisées par la réglementation en vigueur et pour lesquelles ils ont été enregistrés, précisément la collecte des cotisations de leurs membres et l'octroi des crédits à ces derniers selon l'approche convenue. La Banque de la République du Burundi réitère l'interdiction à toute personne physique ou morale non agréée par celle-ci d'exercer, sous quelque forme que ce soit, les activités autorisées aux établissements de crédit et aux institutions de microfinance sous peine de sanctions prévues par la législation à la matière. Les propos de Prosper Ngendanganya ont été recueillis par mon confrère Jean Dodieu Irakouzi. Des retraités réclament la régularisation de leur pension de retraite équivalent au dernier salaire, comme l'avait déclaré le chef de l'État Evariste Ndayishimiye. Cette question a été soulevée ce mercredi dans une réunion organisée par deux ministres, celui de la fonction publique et celui de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage, à l'intention de la population de la commune urbaine de Mukasa. Deworu Sengwa Mihigo rassure que son ministère est à l'œuvre pour vider cette question. Jean-Marie Mayonga. De l'autre côté de la vitrine, on me signale que l'élément n'est pas encore disponible. On va y revenir. Le 26 février de cette année est la dernière date que le Bureau burundais de normalisation BBN a donnée pour suspendre l'utilisation des bouteilles de récupération dans tout le pays. Cet ultimatum a été lancé ce jeudi par le directeur du BBN lors d'une conférence de presse qu'il a animée. Séverin Sindai Kengera appelle les détenteurs des usines de transformation de s'impliquer à la fabrication des bouteilles en verre. On l'écoute. Nous avons voulu revenir sur quelques mesures qui ont été prises et que nous aimerions que ces mesures soient mises en application. Mais avant tout, nous avons montré comment le contrôle de la qualité, surtout des aliments, se fait dans le monde entier. Le contrôle de la qualité des aliments, surtout, est fait par trois piliers. Le gouvernement, qui est là pour l'élaboration des lois, et aussi l'industrie ou les unités de transformation, qui sont là pour la production des produits transformés, qui sont impliqués dans beaucoup de choses qui doivent aboutir à la fabrication des produits qui remplissent les normes qui ne nuisent pas à la santé des consommateurs. Et le troisième pilier, ce sont les consommateurs qui sont là pour récolter des informations et rapporter au gouvernement, à l'industrie. C'est comme un clin d'œil pour que, effectivement, cette activité de contrôle de la qualité des aliments soit mise en œuvre. Parmi les mesures sur lesquelles nous avons insisté, figure la mesure de la suspension de l'usage des emballages de récupération au marché. Que ce soit des emballages là où on met des produits alimentaires comme l'huile de palme, l'huile de coco ou autre chose, les produits alimentaires transformés qui se trouvent dans des emballages de récupération, on ne donne plus de certificats. Ce qui signifie que ces produits alimentaires qui se trouvent dans des bouteilles de récupération ne doivent pas être présents au marché. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h02 au sud de la radio Isanganilo, cap sur Ngozi pour parler société. Les démobilisés de Ngozi réunis en coopérative demandent au ministère en charge des anciens combattants de leur fournir un moulin pour, par commune afin de valoriser leur récolte de riz ou de maïs. Ils disent avoir du pain sur la planche à nourrir leurs bêtes alors qu'ils cultivent ces deux plantes qui donnent des sons de riz et maïs. Le ministre de la Défense, Alain Tribert Moutabadi, leur demande de bien élaborer le projet, quitte à chercher son financement. Les détails avec Apollinaire Moutzakar. Comme l'indique Massabo Pascal, l'un des représentants des démobilisés de la province Ngozi, chacune des 9 communes que compte cette province est en possession d'une coopérative au moins qui rassemble ceux qui cultivent du maïs, riz et autres sur d'importantes superficies. L'exemple est celui de la coopérative des démobilisés d'Ngozi, ayant environ 7 hectares de maïs en zone Mivo, Makaba et zone Ngozi-Mer. En plus des travaux champêtres, ces démobilisés exercent un élevage de gros et petits bétail, des porcs et poules, sans oublier la pisciculture. Dans une rencontre avec le ministre de la Défense et des anciens combattants Ngozi, ces démobilisés indiquent qu'ils réalisent d'énormes pertes lorsqu'ils vendent les graines de maïs zéri sans les transformer eux-mêmes afin d'y extraire 10 sons de riz ou maïs pour leurs bêtes. Ces ex-combattants aujourd'hui démobilisés demandent à cet effet à leur ministre de donner au moins un moulin à chaque commune afin d'éviter ces pertes. Alain Tribert Moutabazi félicite ces derniers pour le pas déjà franchi et leur demande l'élaboration d'un beau projet en vue de le financer selon les moyens du ministère ou chercher un autre financement ailleurs. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci à Apollinaire Moutzakara pour tous ces détails. Je vous le disais tout à l'heure, des retraités réclament la régularisation de leur pension de retraite équivalent au dernier salaire et comme l'avait déclaré le chef de l'État Evariste Ndayishimiye. Cette question a été soulevée ce mercredi dans une réunion organisée par deux ministres, celui de la fonction publique et celui de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à l'intention de la population de la commune urbaine de Mukaza. Dewulusengwa Mihigo rassure que son ministère est à l'œuvre pour vider cette question. Les détails avec Jean-Marie Mayonk. La question des enseignants qui ont passé le test mais qui n'ont pas été satisfaits des résultats a été adressée au ministre de la fonction publique. Au mois de septembre, il y a eu passation de l'examen en rapport avec l'emploi dans l'enseignement à la direction communale de l'éducation de Mugongo-Mahanga. Après la publication des résultats, il y avait une place des points et une autre réservée aux vacataires. J'ai quitté l'endroit sans savoir mes résultats et je me suis adressé à la Commission nationale. Toujours la réponse que j'ai eue ne m'a pas plu. Je souhaite être rétabli dans mes droits. Le ministre Dewulusengwa Mihigo a répondu que celui qui pense que sa situation n'a pas été bien faite, il a droit de se présenter à son ministère pour étudier son cas. Si tu trouves qu'il y a une injustice à ton égard, adresse-toi au DPE. Lui, il a suivi tous les échelons jusqu'à la Commission nationale parce que il trouve qu'il y a eu injustice, n'accepte pas les résultats. Demain matin, je te demande de venir à mon bureau pour étudier ton cas avec ceux qui sont dans la Commission. Celui-ci pose la question des retraités qui réclament leur pension et souhaitent qu'ils soient bien régularisés. Vous travaillez jour et nuit pour traiter la question des retraités. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez nous donner toute la somme comme l'a déclaré le chef de l'État? Nous vous prions de nous donner l'argent à partir de la période d'annonce de son Excellence Président de la République. À cette question, le ministre a rassuré que son ministère est à l'œuvre pour terminer cette question. Le président n'a pas bien précisé de quel type de salaire il s'agit. Il faut comprendre qu'il y a des types de salaire, le salaire net et le salaire brut. Sur ce, n'a pas été explicite. Nous allons suivre ce que dit la loi et tout le monde sera établi dans ses droits. Au cours de cette réunion, le ministre Deo Senghamihigo a précisé que les enseignants vacataires et les personnes qui ont aidé pendant la période du Covid-19 auront de l'emploi d'office dans ce ministère. Actualité internationale. Avant la boucle de ce journal, parlons de cette actualité qui prédomine dans le monde. Au troisième jour de la visite apostolique du pape François en RDC, les Congolais continuent à formuler les vœux de voir son passage ramener la paix et l'unité, mais surtout que le Saint-Père puisse plaider afin que les agresseurs se retirent. Arrivé depuis mardi 31 janvier, le pape a dit une messe à l'aéroport militaire de Ndoulo. C'était mercredi. Ce jeudi, il célèbre avec les jeunes au stade des martyrs de Kinshasa. François est le troisième pape à visiter la RDC après Jean-Paul II en 1986 et Paul VI en 1972. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel de l'essentiel. Ils réclament la régularisation de leur pension de retraite équivalent au dernier salaire, comme l'a déclaré le chef de l'État Evariste Ndayishimiye. Ce sont des personnes en retraite vivant en commune urbaine de Mukasa et se sont exprimées au cours d'une réunion ce mercredi avec les ministres, celui de la fonction publique et celui de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. L'enregistrement des nouveaux groupements financiers communautaires à la Banque de la République du Burundi a été suspendu sur mesure du directeur de la supervision et de la stabilité financière à la Banque centrale. Et dans les nouvelles de province, les démobilisés d'Ngozi, réunis en coopérative, demandent au ministère en charge des anciens combattants de leur fournir un moulin par commune afin de valoriser les récoltes de riz et de maïs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Audio, Chancela et François pour leur mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomananga. Un bon après-midi à toutes et à tous.